Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps. Bonjour les auditeurices. Hier, le 26 avril, c'était la journée de visibilité lesbienne. Alors en tant que personne concernée, militant dans un collectif féministe queer FACAP, il était bien sûr hors de question de ne pas me saisir du micro pour le proposer aux autres personnes concernées qui le souhaitaient. Elio, Loé, Azet, Charlie et Gaël, tous membres de FACAP, sont donc venus échanger avec moi pour rappeler la pluralité des expériences et des identités lesbiennes. Cette hors-série se déroule en deux parties. On y suit les différents cheminements. On y voit l'importance de la réappropriation et de l'auto-assignation des termes et des identités. On évoque également l'importance et les limites propres à nos communautés. On s'attarde sur les figures inspirantes, ou pas, les bonnes et bien trop souvent mauvaises et insuffisantes représentations des lesbiennes dans nos références culturelles. Dans la seconde partie, on parlera plus spécifiquement des enjeux du militantisme lesbien, des codes propres à nos communautés, et même un peu d'astrologie. Très bonne écoute. Du coup, je m'appelle Elio, j'ai 23 ans, je suis étudiant et militant, et je suis trans, non-binaire et lesbienne. Et moi, c'est Loé, du coup, j'ai 21 ans, je suis Gwyn et étudiante en médecine. Et peut-être pour remettre un contexte du coup à la prise de parole, je suis validée blanc aussi, en plus de tout ça. Je suis cis, validée blanche. Qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être lesbienne? Alors, j'ai réfléchi à cette question parce que je savais que j'allais y répondre. Et au premier abord, j'ai eu du mal à essayer de chercher, de trouver une définition qui englobait ce que c'était le lesbianisme. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais juste partir sur les points communs entre les personnes lesbiennes. Et j'en suis arrivée à la conclusion. Pour moi, une personne lesbienne, c'est une personne qui sort du cadre hétéro, nécessairement, et qui est soit une femme, soit s'est perçue un jour comme telle, et qui relationne avec soit une femme, soit une personne qui s'est un jour perçue comme telle. Du coup, moi, je suis partie sur une définition, j'y ai réfléchi il n'y a pas très longtemps, donc un peu difficile aussi à poser un peu les cadres, parce que forcément, ça... Je pense que dans la vision queer, ça doit nécessairement sortir de la définition du lesbianisme comme une meuf qui relationne avec une meuf. Et du coup, je suis partie sur une définition qui exclut en fait certaines personnes. Et du coup, je me suis dit que c'était donc toutes les personnes qui également sortent d'un schéma hétéro et qui ne sont pas des mecs cis et qui ne relationnent pas avec des mecs cis et du coup avec des personnes... Qui se définissent de n'importe quelle manière, mais pas comme étant un mec cis, donc des meufs, des personnes trans, non-binaires, masques, femmes, enfin voilà, toutes les autres personnes qui ne sont pas des mecs cis. Ok, quand tu dis relationner, t'entends quoi du coup exactement par là? Qui relationnent de manière romantique et ou sexuelle. Ouais, okay. Donc au-delà d'un schéma purement amical. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 35 ans, je suis une femme trans lesbienne blanche, et j'habite à Bordeaux. Ma reconnaissance dans l'identité lesbienne est forcément intimement liée à mon identité de genre et à la découverte de mon identité de genre et à mon coming out. Donc ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait un an. Hein. Le fait de me sentir lesbienne est venu en concomitance avec le fait de me dire femme trans, en fait. De me dire femme tout court, par définition. Et du coup, c'est quelque chose qui... je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui est à la fois très, très politique, évidemment, puisque le lesbianisme est politique. Hein. On sort du régime hétérosexuel, donc à un moment... notre identité est politique de fait, puisqu'on n'a pas le choix. Nous ne sommes plus la norme, donc nous sommes politiques. Ce que je ressens dans comment je vois mon lesbianisme, c'est quelque chose de très sororal, de très adelphal. Mais ce mot existe, c'est incroyable. C'est-à-dire quelque chose qui englobe plein de sentiments, que ça peut être de l'amical, de l'affectif, de l'amoureux, de, du sororel, de la delphel. Okay. Tout ça, en gros, voilà, c'est un peu tous ensemble. Bonjour, nous ne sommes pas des hommes cis, nous formons communauté qui peut être communauté de vie, communauté amicale, communauté amoureuse, voilà. Est-ce que tu veux te présenter déjà ? Du coup, j'ai 26 ans. Je suis une personne trans non binaire. Je suis blanc et valide. Je suis dans le milieu de l'art, je suis technicien du spectacle, metteur en scène et comédien. T'es lesbienne, tu n'as pas mentionné. C'est vrai. Que, est-ce que oui. C'est une identité que lesbienne que tu... C'est vrai que je suis assez accrochée à cette identité-là. J'en ai pris conscience à 8 ans sans avoir de mots à mettre dessus. J'ai pu en mettre. Au collège, juste que j'ai appris que le terme lesbien existait, quoi. Jusqu'au lycée, ça n'a pas été facile d'être lesbienne. J'étais un peu tout seul là-dedans. Je connaissais personne d'autre comme moi et j'avais pas du tout de référence, que ce soit dans les films ou à la télé. Dans la musique, et j'ai pu faire mon coming out quand j'étais au lycée, ce qui n'a étonné absolument personne. Genre vraiment littéralement, quand je l'ai dit, on m'a regardé, on m'a fait « Ben oui, on sait. » Ce qui est... Voilà, ça s'est fait. Tu as appris comment ça, enfin, ça peut être... C'est un peu violent quand même. Ben j'étais un peu là en mode « Ok, très bien. » c'était genre juste que... une personne sur qui j'avais crushé à ce moment-là l'avait dit. J'ai eu de la chance, cette fois-là, personne n'est venu me courir dans la cour. Mais pour le coup, j'ai eu le droit à cette réflexion de « bah oui, on sait ». Et je chante bon. Avant d'apprendre qu'effectivement quelqu'un l'avait dit, j'étais un peu en mode « ok, bon, du coup, c'est écrit sur ma tronche ouais. ». Ou est-ce que c'était écrit et les gens se rendent encore moins compte, je sais pas. Dans ma famille, ça n'a pas été trop la même chose. Bon, mon frère était au courant depuis le début. Ma grand-mère, par contre, c'était un peu plus compliqué à base de « Ah, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» C'est, ce genre de choses. Plus tard, après, quand je suis allée à la fac, elle m'a demandé comment on faisait pour faire du sexe. Du coup, entre femmes, entre guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts. Ah, super. C'était très sympa. C'était très gênant. Très très gênant. J'ai pas vraiment répondu d'ailleurs. Et en parallèle de ça, j'avais des questionnements sur mon genre. Donc, j'ai un peu l'impression d'être née trans, essayer d'être une fille, puis de me revendiquer plus en tant que non-binaire, même si j'avais pas le terme à l'époque, c'était. Fin lycée, début fac, puis après j'étais un peu là en mode non, je suis un mec, non, je suis. Et au final, j'ai fini par faire mon coming out trans. Quand j'ai fait mon coming out trans, il y a eu des questionnements par rapport à ma sexualité. On a parlé. Avec des amis. Du coup, on faisait la remarque que maintenant que du coup j'avais mon coming out trans, je suis hétéro. Et du coup, c'est un non. Je ne me ressens absolument pas comme étant hétéro. Finalement, en tant que personne non binaire, j'ai pas vraiment de mots qui existent pour identifier ma relation aux autres. Enfin, si on se base comme certaines définitions peuvent le faire sur le genre. Sur notre genre, je suis pas hétéro parce que je suis non-binaire, je suis pas lesbienne parce que je suis non-binaire, enfin, il y a rien dans les définitions traditionnelles des termes qui identifient nos relations qui me prennent en considération juste parce que la non-binarité, elle n'existe pas aux yeux de la société. Et du coup, en fait, j'avais un peu le choix de tous les termes finalement, puisque aucun ne me définit. Et par contre, l'hétérosexualité, c'est quelque chose que j'ai jamais pensé comme pouvant me définir parce que c'est un truc que je rejette en tant que, bah, que part d'identité, mais surtout comme système politique et comme relation qu'on tisse aux autres. Et c'est en ça que, oui, mon identité lesbienne prend aussi un côté politique et queer, c'est que c'est aussi refuser l'hétérosexualité qu'on aurait pu m'imposer en, vu que je suis une personne transmasculine qui relationne avec des meufs. Enfin, naturellement, c'est ça qu'on aurait dit de moi, mais c'est... Enfin, c'est non, c'est, je suis pas hétéro et je suis lesbienne parce que c'est tout. Non, non, c'est non. Mais pour le coup, on me faisait, j'avais la sensation que je pouvais plus être lesbienne. Et du coup, j'étais en bon, bah, du coup, à choisir, bah, je suis pan. Parfois, c'est comme ça que je me présente parce que je garde dans le fait de la pansexualité de pas m'accrocher au genre de la personne. Ce que je vais du coup différencier de la bisexualité, enfin, parce que pour moi, la seule différence qu'il y a entre les deux, ça va être juste la prise en compte factuelle du genre de la personne. Ouais. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de fétichisation de quoi que ce soit, c'est genre juste la prise en compte factuelle que la personne se ressent dans tel ou tel genre. Même si ce genre n'est pas binaire. Et du coup, vu que moi je prenais pas du tout ça en compte et que je prends toujours pas ça en compte dans mes attirances sexuelles. Donc j'ai un peu navigué dans cette espèce d'entre-deux entre bisexualité, pansexualité, lesbianisme, dire bon, où est-ce que je vais, où est-ce que je me dirige. Et puis à un moment, je me suis dit, bah, j'ai lu du Wittig, j'ai lu du Feinberg, J'ai lu du Audrey Lorde, et moi je me suis dit, bon, à partir du moment où toutes ces personnes-là sont d'accord sur le principe qu'on ne relationne pas avec des mecs cis et qu'on est lesbienne, ok, bah ok, alors. Voilà. Ok, et depuis, est-ce que t'as l'impression que ça a rechangé ces définitions, ou qu'elles prennent d'autres dimensions, enfin depuis un an, on va dire, ou tu restes sur le même... Là, pour le moment, ça bouge pas trop. Ouais. Alors je découvre aussi parce que, n'ayant pas un passif de lesbianisme très très développé, donc n'y connaissant pas grand chose, je m'y suis identifié en me raccrochant à quelques figures, et après je découvre toute l'histoire des relations saphiques et du lesbianisme derrière, et toutes les histoires belles et toutes les histoires moches, et ça me permet un peu de faire le tri entre il y a eu des personnes merveilleuses dans le lesbianisme. Il y a eu Stormé de l'Arverie, il y a eu Leslie Feinberg, etc. Et il y a eu aussi quelques féministes radicales états-uniennes, qui si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais pas eu le droit de m'identifier lesbienne ni femme de toute façon. Donc, Alors, je m'appelle Charlie, j'ai bientôt 22 ans. Je suis étudiante en sociologie et je me définis comme non-binaire. Gwyn, je suis une personne blanche et valide. À quel moment t'as pris conscience du fait d'être lesbienne ? Comment ça s'est traduit ? Déjà, il y a eu une première expérience quand j'avais 4 ans, je crois, à peu près. J'avais une meilleure amie et je crois qu'on avait raconté qu'on voulait se marier ou je sais pas quoi. Et je me rappelle que ma mère m'avait dit... fais attention à pas trop rester avec elle et à pas trop être proche, à pas trop dire ça, parce que sinon ses parents vont plus vouloir que vous soyez amis. Et après ça, j'ai eu que des relations avec... j'ai eu des relations avec des mecs... J'avais des amoureux, enfin j'étais amoureux de mecs de ma classe, mais genre j'avais 8 ans, tu vois, donc c'est pas vraiment des relations, parce qu'il se passait rien dans tous les cas. Et après, à 11 ans, je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie, et je crois que je l'avais pas vraiment conscientisé comme ça, tu vois. Et j'avais pas trop conscience de ce qui se passait. Et à 13 ans, c'est devenu très très clair que j'étais lesbienne. Et du coup, je me suis définie comme lesbienne de mes 13 à mes 15 ans, dans ma tête, en tout cas. Et c'était super bizarre parce que j'avais des crush mecs socialement. Et tout le monde le savait, ça faisait... tu vois, c'était... j'en parlais à mes copines, Paul, il s'appelait. En fait, j'étais sur des sites, parce que du coup je voulais rencontrer des gens et j'avais pas envie d'être seule avec avec ça, et du coup j'avais été sur des forums et sur des trucs comme ça, et entre ma quatrième et ma troisième, je suis sortie avec deux filles qui étaient que j'ai jamais rencontrées dans la vraie vie, mais on se parlait toutes les nuits et on était ensemble. Et ça, personne n'a jamais su à l'époque. Enfin, c'était entre moi et moi-même. C'est fou ça. Enfin, pareil, toutes mes potes, toutes mes meilleures potes, Gwyn et tout, au lycée, étaient vachement sur relationnées avec plein d'autres personnes par les réseaux qu'elles n'avaient pas forcément rencontrées, ou qu'elles ont rencontrées plus tard, ou parfois pas. Mais c'était des relations vraiment à parler, ouais, toute la nuit, et à se connaître vraiment très bien et avoir plusieurs. C'était très fort, et j'ai l'impression que c'est un truc qui revient beaucoup aussi chez beaucoup de personnes lesbiennes, d'avoir ce lien virtuel aussi. Il y avait un peu cette impossibilité d'avoir. Je pouvais pas le dire. Et en plus, je me rappelle à l'époque, moi, mon réflexe avait été d'aller sur YouTube pour trouver des documentaires sur être ado et être gay. Et j'étais tombée sur la seule vidéo qu'il y avait à l'époque, elle y est encore. C'était un truc sur le coming out des ados, et c'était montré comme un truc hyper dramatique. Et la moitié du documentaire était sur, enfin du reportage, était sur le refuge. Le refuge est une fondation française, conventionnée par l'État, qui a initialement pour vocation d'offrir hébergement et accompagnement à des mineurs subissant homophobie ou transphobie, notamment au sein de leur famille. Au-delà de politiques contestables et contestées depuis pas mal d'années, Mediapart a récemment dévoilé de nombreux cas d'agression sexuelle, et une plainte pour viol a notamment été déposée de manière collective contre l'ex-président de l'association Nicolas Noguier par l'association ancienne du refuge. Et du coup, c'était hyper anxiogène. Du coup, moi, j'en avais parlé à personne au collège. Ouais. Et après ça, du coup, je suis sortie... Quand y a des garçons qui ont commencé à s'intéresser à moi de manière concrète, j'ai commencé à sortir avec des garçons aussi. Ça me... Un peu par dépit, je crois. Mais du coup, là, t'as arrêté de te définir comme lesbienne, ou si c'était encore dans ta... Après, j'ai commencé à me définir comme pan. À partir de ce moment-là, parce que tu voyais que t'étais attirée par... Je sais pas si j'étais attirée par... Après, je suis restée pendant 4 ans avec un mec. Et je l'aimais très fort. Mais tout le long de notre relation, j'avais ce truc de... à chaque fois que j'avais une représentation lesbienne qui popait dans ma tête... qui popait dans ma vie, plutôt. J'avais vraiment ce truc de... J'ai envie de partir et je vis mon meilleur lesbianisme, parce que vraiment c'est pas mon truc, tu vois. Et en même temps, il y avait un peu ce truc de c'était confortable, tu vois. On allait se marier, on allait avoir des enfants. Tout était un lapin et avoir une maison, tu vois. Et ça allait être très confortable, tu vois. Et je savais que ça serait pas possible ailleurs. Pourquoi ce serait pas possible? C'était impossible en étant lesbienne pour toi? Ouais. Genre, du coup, c'était... Il fallait y rester là-dedans parce que le lesbianisme ne te permettrait pas de... Enfin, là, j'extrapole parce que connais... Enfin, qu'on en a discuté et tout, ouais. C'est ça, c'était le modèle de vie, de famille aussi que tu voulais. Et... Ouais. Que tu voyais possible que dans l'hétérosexualité, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que... Au final, tu sais ce qui a fait qu'il... Il m'a demandé en mariage. Ouais. J'ai fait non, c'est pas possible, quoi. Je peux pas. Et du coup, je suis partie. C'était même pas genre juste pas maintenant et on voit, genre c'était genre du coup, t'arrêtes tout. Fait un électrochoc. Ah non, c'était un mode genre en fait, je peux pas. Ça va pas être ça ma vie. Mais ni maintenant ni jamais en fait. Et en fait, c'était même pas par rapport à ton lesbianisme, mais en fait, quand il a fait ça, je me suis sentie enfermée dans un truc en me disant, mais en fait, c'est pas moi, tu vois. Et juste après qu'on ait rompu, je me suis dit, mais en fait, toi, tu veux quoi? Parce que tu te l'es jamais posé la question. Enfin, tu t'es toujours dit que tu voulais avoir une famille, te marier avec un mec et avoir des gosses, mais. mais profondément, toi, t'as envie de quoi ? Et je me suis dit, en fait, plus jamais de ma vie, je vais être en couple avec un mec cis, quoi. J'imagine que c'est venu de façon un peu plus directe, enfin, le moment de capter que vous étiez lesbienne. À quel moment, enfin, ça a surgi ? Comment ? Enfin, est-ce que c'était une évidence pour vous ? Et est-ce que ça a évolué, du coup ? Est-ce que c'est très récent, en fait, toute cette définition que vous lui mettez ou... Mais du coup, la définition, je dirais, une définition plus queer, en tout cas, du lesbianisme, c'est plus récent que la première définition, je pense, que j'ai eu du lesbianisme par rapport à mon vécu, où j'ai pris conscience que j'étais lesbienne, même si c'est pas une étiquette que j'utilise et que j'utilise toujours l'étiquette Gwyn. Mais du coup, j'ai pris conscience de mon homosexualité il y a 3 ans, donc j'étais en fin terminale. Et forcément dans un schéma qui était très cis-normé à l'époque. Et du coup, oui, voilà, en me considérant étant une meuf attirée par des meufs. Et à l'époque, c'était cette définition-là qui était du coup très limitée. Oui, il y a toute une prise de conscience queer et de déconstruction du genre qui est arrivée après que je prenne moi-même conscience de mon identité. Du coup, en fait, c'est vraiment un truc qui s'est fait en 2 temps, je pense, même si c'est pas 2 temps qui sont fracturés, que c'est un truc qui est toujours voué à évoluer. Mais oui, au début, forcément, parce que je pense que de toute façon, la manière dont une personne se définit fait forcément écho au processus de déconstruction qu'elle est en train de faire sur le moment où elle se définit. Et du coup, que la définition qu'elle pose sur elle-même est vouée à évoluer, que ce soit par rapport à une orientation sexuelle ou à une identité de genre, par rapport à, ouais, à ses propres prises de conscience, en fait. Donc je dirais que le truc s'est fait vraiment... sur 2 temps, et peut-être qu'il s'en fera sur 2 temps après, en fait. Parce que c'est pas parce que la définition que je pose aujourd'hui du lesbianisme sera la même que celle que je poserai dans 1 an ou 4. Quoi. Et ce qui est très cool, justement, comme tu disais, dans cette autodétermination, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu poses une étiquette qui n'est pas nécessaire, parce qu'il y a des personnes qui n'en posent pas, mais sur une identité, en fait, il n'y a pas de case à cocher qui prouve ta légitimité d'utiliser cette étiquette, en fait. Enfin, c'est pas... t'as pas le droit de poser l'étiquette lesbienne à partir du moment où t'as eu des relations romantiques et ou sexuelles lesbiennes, en fait. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionnait pour moi. Et oui, et je pense que c'est ce que la communauté queer permet, en fait. Et c'est aussi, du coup, un bémol dans les définitions qu'on a données, c'est qu'on a dit que nécessairement c'est des personnes qui relationnaient, alors tu peux prendre conscience d'être lesbienne alors même que tu relationnes avec personne. Exactement. Tu peux être, hey, c'est lesbienne. Ouais. C'est, ouais, carrément. De ouf. Mais en y réfléchissant, même moi, je reviens sur ma définition déjà parce que, enfin, j'étais quand même genre, soit femme, soit s'étant perçue comme femme ou ayant été perçue comme femme, mais il y a des personnes qui sortent de ces deux schémas après. Ouais. Ouais, et c'est vrai. Et surtout que, bah, exactement la définition que j'ai donnée, j'ai posé le mot relationné, alors que moi-même j'ai pris conscience de mon lesbianisme avant d'avoir relationné avec qui que ce soit d'ailleurs, mais dans des relations lesbiennes, en fait. Donc, ouais, je pense que ça sort en effet de cette case à cocher, en tout cas de relation. Ouais, du coup, c'est quoi, de l'ordre du désir, de... Ouais, c'est difficile à définir, je trouve. Après, ça peut être un truc relationnel dans le sens émotionnel, et pas forcément poser un mot de couple ou de quoi que ce soit, mais un truc que tu ressens entre 2 ou plusieurs personnes. Ouais. Et du coup, prends le lead des questions. Comment tu deals avec le fait que ben t'es un copain et que du coup que les gens ne le... Oui. Parce que ça, on l'a pas dit aux éditeuristes. Ah oui. mais oui, parce que forcément, quand tu dis aux personnes que tu relationnes avec quelqu'un et que forcément tu me genres au masculin et donc que t'as un copain, tu n'es nécessairement pas identifiée comme lesbienne. Donc, genre, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Du coup, pas grand-chose, puisque je me dis... en vrai, je m'en fous un peu de comment les autres me catégorisent, même si, en fait, juste avant, je disais que j'aimais bien être catégorisée comme Gwyn. Du coup, c'est un peu paradoxal. Mais mais du coup, c'est vrai que... En vrai, au début, on en avait parlé, en fait. Au début, j'étais en mode... Ah oui, c'est vrai que j'ai un copain. Et en fait, le truc, c'est... Petit détail. Ah, C'est vrai, c'est lui. C'est vrai. Et du coup, en fait, mince, mais voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Au début, tu te disais, ah oui, c'est vrai, j'ai un copain. Pas une copine, du coup, j'imagine que ça allait dans ce sens-là. En fait, ouais, je capte pas du tout d'à quel point les personnes auxquelles je m'adresse et du coup les personnes qui ne connaissent pas Elio a priori sont les personnes desquelles je suis le moins proche et du coup des personnes qui ne sont absolument pas queer ou quoi que ce soit envisagent la possibilité que ça puisse être une autre personne qu'un mec cis. Donc en fait ça j'en ai aucune idée parce qu'en même temps je me dis mais comment est-ce qu'une personne peut croire que je suis hétéro, tu vois. Je suis en mode je sais pas trop ce qui se passe dans la tête des gens. Donc en fait juste en fait, ouais, c'est assez bizarre à traiter comme question parce que, à la fois, c'est assez perturbant parce que du coup, j'ai l'impression que mon identité aux yeux des autres est plus invisibilisée alors même qu'elle l'est déjà suffisamment par rapport à la société de manière générale. Mais à la fois, moi, je me la sens pas invisibilisée pour moi-même en fait. Enfin, ça me rend pas moins Gwyn que de dire que j'ai un copain. Donc, globalement, à part à. Non, je vais peut-être pas dire ça. J'allais dire à part par rapport à ma coiffeuse qui est hyper queen. Et quand je lui dis que j'ai un copain, j'ai juste envie de lui dire t'inquiète, je suis pas une hétéro. Pour être validée. Enfin, n'importe la quoi. La coiffeuse. Rien à voir. Je sais qui c'est. Et toi, Elio, du coup, à quel moment t'as pris conscience de... Moi, du coup, je me suis rendu compte que j'étais lesbienne au collège. Bon, ça a mis son petit temps, mais globalement au collège. Et du coup, à l'époque, je me percevais comme une meuf. Et puis, en fait, c'est vers mes années d'université que j'ai fait mon coming out trans, non-binaire en l'occurrence. Et c'est à ce moment-là que, du coup, j'ai agrandi ma propre définition du lesbianisme. Parce que, parce qu'en fait, j'étais réellement confrontée au fait que, du coup, j'étais plus une meuf. Mais qu'en fait, l'identité lesbienne, c'est un vrai truc qui fait partie de mon identité et auquel je tiens. Et enfin, vraiment, j'étais confrontée au fait d'aller vers une part de mon identité, qui était donc la non-binarité, mais d'en laisser une autre, du coup, de côté, qui était super importante. Et du coup, j'ai continué à me dire lesbienne, quand bien même je suis non-binaire et quand bien même je me genre masculin. Et oui, je me suis identifiée pendant un moment en tant que du coup transpédéguine. L'identité PD, c'est une identité que j'ai laissée tomber de par mes relations qui font que en fait je relationne pas avec des mecs cis. Enfin, je me suis dit transpédéguine à une époque où je m'ouvrais vachement, enfin en tout cas je tentais de m'ouvrir aux relations avec les mecs cis. Et en fait, juste ça n'aboutit à rien. Enfin, je le sens dans mes rapports au Maxis que je suis incapable de relationner avec eux. Et du coup, je l'ai un peu laissé tomber. Et aussi, du coup, ce truc de réappropriation que... utiliser PD, c'est se réapproprier une insulte. Et en fait, c'est une insulte que moi, on m'a jamais lancée à la gueule ou juste parce qu'on m'a jamais perçue comme un mec gay, en fait. Et oui, et comme je disais, en soi, je pourrais l'utiliser quand même, parce que même si je me disais gay, finalement je serais gay, donc je pourrais me réapproprier l'insulte PD vu que je serais un mec gay. Mais de la même sorte que Gwyn qui me parle pas, genre c'est juste des termes qui... Enfin, après, je peux pas faire de comparaison, genre pour moi c'est pas les mêmes termes, on les utilise peut-être pas de la même façon, mais en tout cas, Gwyn c'est aussi un terme qui me parle pas déjà... Enfin, peut-être parce qu'on m'a jamais insulté de Gwyn, et aussi peut-être parce que lesbienne, c'est aussi connoté très négativement, et que je ressens pas le besoin d'aller me réapproprier un autre terme, alors que lesbienne, c'est déjà connoté négativement, et juste c'est... Enfin ouais, juste le Gwyn, vraiment, ne me parle pas, je me reconnais pas dans ce terme. Et après, toi, tu t'es définie comme Gwyn. Est-ce que le mot Gwyn, il a un sens particulier pour toi, plutôt que le mot lesbienne, par exemple ? Je pense qu'il a juste un sens plus politique, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je sais pas si je l'ai utilisé depuis le début. J'arrive pas à me souvenir, mais oui, je le perçois, en fait, un peu comme le versant queer du terme lesbienne, mais... Mais en même temps, je pense que ça appartient à chaque personne, parce qu'il y a des personnes lesbiennes, enfin, qui utilisent l'étiquette lesbienne et qui sont très politisées et qui voient leur identité comme étant très politique et militante. Je sais pas, c'est juste celui avec lequel je suis le plus à l'aise. Je saurais pas trop dire pourquoi. Mais je pense que ouais, c'est un truc qui pour moi est plus affirmé. Ok. Est-ce que tu emploies les autres termes, genre going goudou et tout, c'est ouais. Des trucs dans lesquels tu te reconnais ou... Ouais. Ouais, ouais. Bah, surtout que, genre, enfin, récemment, il y a eu une polémique un peu là-dessus. Enfin. Ou comme quoi, enfin, les personnes. Enfin, il y avait une espèce de différence qu'on avait commencé à mettre entre lesbienne et going goudou en termes de politisation du terme. Alors qu'en soi, c'est des termes qui ont été tout autant discrédités, insultants, qui ont été en fait réappropriés après par la communauté. Là maintenant, quand on est dans les milieux militants, il y a une certaine façon de voir la lesbienne comme la lesbienne bourgeoise, blanche. Ouais. C'est un peu l'impression que ça m'a fait. Alors que pour le coup, au contraire, goudou, gouine, c'est un terme beaucoup plus politique. Alors qu'en fait, non. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence. Enfin, comme je l'ai dit, ça reste des termes qui ont été utilisés pour stigmatiser des personnes. Et ces termes stigmatisants ont été rappropriés par les personnes concernées. Et lesbienne comme goudou, comme gouine, font partie. Oui, parce que lesbienne, c'était pas une insulte de base. C'était un terme stigmatisant dans le sens où il était pathologisant. Ok. Du coup, ça fait quand même. Enfin, malgré tout, ça fait quand même partie de ces trucs-là, quoi. Même si, effectivement, goudou, gouine, c'est plus des. Sont plus stigmatisants parce que dit insultant ou envoyé en tant qu'insulte, quoi. Même si dans la bouche de certaines personnes le terme lesbien sonne très clairement comme une insulte. Mais c'est fou parce que ouais, t'as parlé d'insultes de on m'a jamais traité de pédé, on m'a jamais traité de win, et du coup c'est des termes que tu te réappropries pas tellement, et en fait je sais pas si c'est lié, mais je pense 2-3 jours après mon coming out, un mec de mon lycée m'a traité de sale gouine, tu vois, genre devant moi. Et je pense que c'est la première réception que j'ai eue post-coming out, et je sais pas si c'est lié au fait que du coup, ce soit le terme avec lequel je sois maintenant le plus à l'aise, tu vois. J'y avais pas du tout pensé. Mais oui, en tout cas, le gouine, enfin, je suppose qu'on a déjà dû l'utiliser, mais encore une fois, c'est surtout le truc de... Enfin, lesbienne, pour moi, c'est aussi très très péjoratif, du coup, il y a déjà une réappropriation de ce terme-là. Oui, mais goudou, ouais, je l'avais oublié. Et... Alors que lesbienne n'est pas une insulte de base. Enfin, c'est le seul qui... Mais ça a une connotation péjorative comme gay. Mais beaucoup de gens pensent que c'est une insulte, justement, aussi. Enfin, une insulte ou liée à la fétichisation aussi, parce que c'est le mot que t'as dans les catégories genre porno et tout. Enfin... Mais tu vois, même... déjà, goudou, c'est un terme aussi que j'aime bien. Enfin, je pense que dans mon classement, ce serait gouine, goudou. Par rapport à ce qui me correspond. En plus, goudou, j'aime bien parce que ça fait goudou, et je trouve ça trop mignon. Ouais, c'est plus mignon, je trouve même à l'oreille. J'ai toujours pensé au gouda. Ou à la gouda. Voilà, c'est la gouda. Surtout la gouda. Et gouine, même si c'était une insulte, en fait... j'ai l'impression qu'il faut un adjectif à gouine pour que ça devienne vraiment une insulte, tu vois. Alors que pédé... t'as pas besoin de sale PD devant pour que PD soit une insulte que tu puisses jeter à la gueule. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Gouine de la bouche d'une personne pas concernée, pour moi, c'est nécessairement péjoratif. Hein. Mais en fait, je sais pas, dans la manière dont tu le dis, je trouve qu'il y a un truc dans le fait... Genre, je sais pas si c'est juste par rapport au syllabe, tu vois, mais PD, je sais pas, il y a un truc de... Moi, qui me semble plus insultant que Gouine, en fait. Peut-être qu'on l'entend plus aussi. Mais qui du coup était aussi beaucoup plus réapproprié, mais parce que ouais, et puis de base, enfin, c'est pédéraste, quoi, enfin. Et par rapport au mot lesbienne, enfin, c'est vraiment le mot que tu emploies toi, ou par exemple les autres mots genre gouine, goudou, enfin tu t'y identifies aussi, t'as quel rapport à ces autres mots? Alors moi des fois je m'identifie comme TPG. Ok. Transpédé gouine, voilà. Parce que ça, en fait, c'est plus facile pour moi de, enfin c'est plus facile. Je dirais qu'entre adelfes ou en tout cas entre personnes non cis, c'est plus facile de lâcher « Ok, moi je suis transpédéguine » parce que généralement les personnes non cis comprennent ce qu'on veut dire par là. C'est pas parce qu'on imagine le lesbianisme comme quelque chose de très cis-normé. Mm. Dans l'histoire, ça a pu l'être. Ça l'est... et puis moins, et puis enfin, voilà, c'est quelque chose qui bouge. Après, est-ce que je me définis gwyn? Oui aussi, ça arrive. C'est dans un contexte particulier ou... En fait, je crois qu'avec Charlie, on en a parlé une fois, vous avez une espèce de gradation du lesbianisme en disant les gwyn, c'est un peu les... pas les prolos, mais un peu la classe ouvrière du lesbianisme. Alors là, il y a les gwyn, voilà, puis au-dessus, il y a les lesbiennes. Oui. Qui sont déjà un peu plus, qui ont un peu plus intellectualisé, théorisé, conscientisé leur identité sexuelle, leur lesbianisme. Et puis il y a les lesbiennes politiques encore au-dessus. Là, c'est à fond dans la théorisation et dans la conscientisation, puisque c'est totalement politique. Mm-hmm. Et avec Charlie, on disait les gwyn, c'est les prolos, les lesbiennes, c'est la classe moyenne, et les lesbiennes politiques, c'est les bourgeoises qui se baladent à la mutinerie à Paris avec les coupes à franges. Bon, c'est très, très cliché. Je tiens beaucoup à ce mot, enfin plus au mot gwyn qu'au mot lesbienne, dans la mesure où la plupart des personnes de mon entourage sont des personnes non binaires. Le mot lesbienne, si on le rattache à une femme qui aime une femme, ça n'a pas de sens et ça ne représenterait pas la réalité des gens autour de moi. Mais je m'identifie quand même à ce terme parce que... déjà, il n'y a pas de mot pour décrire, pour désigner qui je suis et ma manière de vivre mes relations. Et surtout, c'est un mot avec lequel je me suis construit, qui a une identité politique forte et historiquement, le mot gwyn a du sens aussi. Récemment, j'ai lu Stone Butch Blues de Leslie Feinberg, qui a genre changé ma vie, j'arrête pas d'en parler à tout le monde. Et en fait, dedans, ça raconte l'histoire d'une... dans le livre, la personne se définit comme une il-elle. Et du coup, c'est peut-être un peu anachronique de dire ça, mais je pense que c'est un peu le terme qui voudrait dire non-binaire aujourd'hui. Mm. Et en fait, ça se passe dans les années... je crois que ça commence dans les années 50-60 aux États-Unis à peu près. Et c'est une personne butch qui du coup vit en fait toute la période avec les émeutes de Stonewall, etc., et qui raconte des trucs qui sont extrêmement violents de ce qui a pu lui arriver en termes de violence physique, violence sexuelle, mais vraiment spécifique à son orientation sexuelle et à son orientation, enfin son expression de genre. Et elle commence à prendre de l'athée en pirate dans les années 60-70, elle se retrouve hyper isolée, enfin bref. Il y a tout un contexte, et en fait cette personne... ne se définit jamais dans le livre comme un homme en fait. Et se définit toujours comme gwyn, comme lesbienne, comme butch spécifiquement. L'identité butch, elle a vraiment une place importante pour ce personnage là. Et en fait, enfin, je trouve qu'on manque vraiment de ça dérive un peu du sujet, mais dans mon mémoire, j'ai travaillé aussi sur l'apprentissage de la peur. Et du coup, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des personnes et on parlait du harcèlement de rue. Et il y a beaucoup de fois où la phrase « un jour, on se fera sûrement péter la gueule » revient. Et moi, c'est un truc auquel je pense souvent quand je suis dans la rue et que je suis avec une de mes partenaires, de me dire « ok, il n'y a pas beaucoup de monde, il est un peu tard, il n'y a pas trop de lampadaires, genre, peut-être qu'on va se faire péter la gueule. » Et je pense que c'est lié à la fois à une réalité de... C'est vrai que potentiellement, on risque de se faire péter la gueule quand on sort en tant que... je suis pas en couple, mais... Relation romantico-sexuelle, on va dire, mais... Bref... factuellement on risque de se faire péter la gueule, mais en fait ça arrive pas tant que ça aux lesbiennes, en tout cas pas à Bordeaux. Et pourtant c'est une peur qu'on a tous, Et je pense que c'est aussi énormément lié à notre histoire et aux représentations. Enfin, et en même temps, on n'a pas accès à notre histoire. Et du coup, je pense qu'on a cette peur et en même temps, on ne sait pas d'où elle vient. Et je pense qu'en fait, notre peur, elle est aussi historique. Et elle vient d'un truc où on a une histoire, mais on la connaît pas parce qu'elle était tue. Et on a une histoire qui est violente et qui a des répercussions aujourd'hui sur notre manière de vivre notre amour, notre sexualité. Enfin, et j'arriverai jamais à finir cette phrase. C'est pas grave, mais du coup, ouais, t'étais partie sur le côté historique de Gwyn, du mot Gwyn aussi. Ouais. Et du coup, pour moi, enfin, je suis pas non plus un mec. Et pour moi, le terme Gwyn, c'est aussi un terme dans lequel je me reconnais en tant qu'identité de genre. Ok. Je pense que je vais dire je suis lesbienne quand je parle avec quelqu'un qui va être, je sais pas, au travail, à ma mère. Je vais pas dire à ma mère je suis Gwyn, je vais dire je suis lesbienne, tu vois. Mm. Mais c'est pas ce que je ressens, tu vois. Jamais de ma vie, j'ai dit oui, je suis homosexuelle. Oui, ça va. Je me suis jamais identifiée à ce terme. Je pense qu'on dirait oui, t'es homosexuelle, ça me ferait bizarre, tu vois. Mm. Et je pense que nos identités, elles sont politiques, elles ont un côté où on remet des choses en cause. Mm. Et je crois que dire je suis Gwyn, c'est un peu dire je t'emmerde. Mm. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime bien ce mot. T'aimes bien emmerder les gens. Ouais, beaucoup. Le mot lesbien ou lesbienne vient de Lesbos, l'île de la poétesse grecque Sapphos. Le mot Gwyn désignait à l'origine une personne assignée ou perçue comme femme dite de mauvaise vie, notamment prostituée. On n'est pas très sûr de l'étymologie exacte, si cela viendrait du latin ganae, qui désigne les lieux dits donc de mauvais usage, comme les bordels, ou s'il y aurait un lien avec Gwyn, qui voulait dire truie ou cochonne, avec l'al, un amalgame, qui se veut très infériorisant entre les bruits de jouissance des assignées femmes et de cet animal. Au XIXe siècle, pas mal de lesbiennes s'identifiaient comme gougnottes. Des féministes lesbiennes, comme Monique Wittig, se sont réappropriées le terme Gwyn dans les années 70, en s'amusant à faire des liens politiques entre le mot Gwyn et le mot anglais Queen, qui signifie reine, comme expliqué par les travaux de la sociologue Natasha Chetkuti. Le mot goudou dérive lui-même du mot Gwyn. Il y a aussi certaines personnes qui... là, pour le coup, c'est plus dans des bails intracommunautaires qui vont être là en mode tu peux pas être lesbienne, t'as déjà couché avec des personnes amables. Pour rappel, le sigle AFAB signifie en anglais Assigned Female at Birth, soit assignée femme à la naissance. Et AMAB signifie assigned male at birth, c'est-à-dire assigné homme à la naissance. Ouais, ben en fait, déjà, toutes les personnes amables ne sont pas des hommes. Mm-mm. Et même auquel cas, je suis désolée, je vois pas ce que ça va faire, ce que ça a vraiment à faire là-dedans, en fait. C'est. Enfin, coucher avec des hommes cis, oui, ok. Ça arrive. Même meilleur entre nous, parfois. Ouais, mais c'est un peu ce genre de bail-là, genre, même au meilleur d'entre nous, mais en fait, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'élite lesbien, en fait. Genre, c'est ridicule. Genre, enfin, vraiment, c'est ridicule, j'en parlais avec une personne genre juste cette semaine des vieilles lesbiennes qui se sont découvertes ou assumées lesbiennes tard au niveau de l'âge et de ce qu'on peut appeler les golden lesbiennes, du coup les lesbiennes d'or qui n'ont jamais connu le pénis qui du coup se sont découvertes très jeunes et n'ont jamais eu de rapport sexuel avec des hommes cis ou avec des personnes à pénis. Et il y a une espèce de truc un peu malsain par rapport à ces trucs-là de... Je sais pas, genre presque de jalousie, puis aussi d'ascendance de pouvoir ou à l'intérieur même de la communauté lesbienne, qui est aussi par ailleurs une communauté dans laquelle on peut se sentir incroyablement bien et incroyablement à sa place. Mmh. Comme quoi, il y a de tout partout. Et après, enfin, on parle là des communautés queer, mais il y a justement des personnes qui sont dans ces communautés qu'elles considèrent appartenir à une communauté queer ou pas, ou juste être des personnes LGBTQIA+, sans être de cette communauté, mais qui vont avoir des propos plus tranchés sur les identités, ce qui se comprend aussi, parce qu'il y a aussi des phénomènes un peu de... d'appropriation de ces cultures-là aussi, ou d'utilisation du mot, ou genre de test, ou de fétichisation aussi, etc. Mais je trouve que c'est toujours le... Pour chaque identité, c'est qu'on se retrouve un peu toujours avec ce truc de... Il y a ces mots-là, et du coup, on s'en empare, et en fait, mais c'est censé être un truc, un mot justement pour revendiquer, pour renverser des stigmates, pour, enfin, un truc positif, et qui doit pas être, genre, excluant d'autres personnes qui le ressentiraient, et en fait, bah, parce que c'est aussi lié à, genre, des passifs de discrimination, et souvent, enfin, et tout derrière, il y a beaucoup de personnes qui vont rejeter d'autres personnes en ayant peur que si on agrandit la définition des mots, bah, en fait, ça délégitime ce qu'elles disent. Ouais, ou ça les invisibilise. Zibilise. Le titre exact de mon mémoire, c'est la sexualisation des personnes aux orientations sexuelles sapphiques entre 18 et 25 ans en 2021. Oh. Du coup, t'avais un gros échantillon de personnes J'avais une dizaine de personnes. Ouais. En fait, j'ai élargi aussi à la sexualisation des lesbiennes par les femmes. Parce que, en fait, au premier abord, je m'attendais vraiment à ce que ce soit les mecs qui fétichisent les lesbiennes, etc. Et en fait, enfin, dans la plupart des témoignages, c'est... Enfin, ça vient aussi énormément des hétéros, donc... Alors, je tiens à dire que je différencie totalement les hétéros curieuses des personnes bi ou pan, que ça n'a absolument rien à voir. Tu peux revenir sur la différence, du coup Une hétéro curieuse, c'est... D'ailleurs, il y a aussi des hétéros curieux, hein. C'est une personne qui va... En gros, en général, avoir une expérience qui va aller, genre... du bisou à l'acte sexuel à une ou deux fois dans sa vie avec une personne qui est pas un mec cis pour tester, pour l'expérience et du coup il y a un peu en fait ce qui revient dans les entretiens souvent c'est que les personnes qui ont vécu ça en tant que win on a l'impression que en fait elles sont arrivées et elles étaient la gouine de la soirée et on leur a sauté dessus en mode ça y est ça va être possible et en fait à aucun moment la personne a été intéressée par la personne mais par le fait de coucher avec une personne à vue en fait et du coup sans du coup pour le coup c'est vraiment une question de fétichisation dans ces cas là et il y a aussi un peu un truc de, on va dire, s'amuser tout en niant totalement le combat politique qu'il y a derrière, le combat même quotidien qu'il y a derrière le fait de ne pas être une personne 6-7, quoi. Au final, j'en suis un peu venue à... Enfin, là-dedans et dans pas mal d'autres choses dans ma vie, en fait, à un lâcher prise total. Je ne veux pas qu'on me catégorise dans quoi que ce soit et je ne veux pas catégoriser les gens dans quoi que ce soit mis à part les catégories dans lesquelles les gens se mettent elles-mêmes. Enfin, j'ai l'impression d'avoir pris conscience de l'énorme connerie dans laquelle on vit, de schémas, de codes, de boîtes dans lesquelles on va s'insérer nous-mêmes, on va insérer les autres, des boîtes qui sont parfois toutes nouvelles, toutes neuves, qui viennent juste d'être créées pour que justement on puisse y aller, c'est chouette. Mais non, ça l'est pas. Ça l'est pas parce qu'au final, ces boîtes-là, elles sont créées parce que juste certaines personnes se sont dit « Ah ok, ils font beaucoup... » Là, ils sont en train de faire beaucoup trop de bruit et beaucoup trop de gêne dans le système. Du coup, on va leur créer une petite case. Ils pourront s'y mettre, comme ça ils se sentiront qui, comme ça ils se sentiront inclus dans la société. Ouais. Mais pour moi, dans mon ressenti de moi-même, dans ce que je ressens pour les autres, dans ma vie de tous les jours, dans ma façon de voir le monde, même si c'est compliqué parce que j'ai grandi avec ce système de cases et de boîtes, et de petits schémas et de machins, et que ben on traîne tous nos casseroles de l'hétéronormativité derrière nous. Mais c'est des fils que j'essaie de couper au fur et à mesure. Enfin, je ne peux pas reprocher aux personnes qui sont dans, sont dans leur case et s'y sentent bien. Enfin, ouais, je ne peux pas leur reprocher de s'y sentir bien, je ne peux pas leur reprocher de se mettre dans des cases ou quoi, parce que c'est là où elles se sentent bien. Et enfin, moi, je m'en fous, je veux que tu te sentes bien, tu vois. C'est tout. Mais moi, pour moi-même, j'ai fini par comprendre que ce lâcher-prise me convient bien mieux, même s'il est beaucoup plus flou. Finalement, ça me va. Au final, c'est comme ça que tu vas... Enfin, tu vas au-delà, dans le sens où tu vas au-delà des frontières qu'on t'assigne, du coup, en montrant, enfin, genre, juste qu'il est... que toi, tu t'en fous et que, genre, t'es juste pluriel. Ouais. Et genre que... C'est, par ton existence en tant que telle et la façon dont tu la montres au monde et tu la représentes, au final c'est là où ça montre que genre ça va au-delà de leur case et que t'as pas besoin, du coup, par rapport à ma question, genre d'être en contestation juste par rapport à ces assignations, à ces trucs, parce qu'en fait t'existes aussi, et le fait de juste aussi affirmer un lâcher prise, je trouve ça très politique aussi, sans que ça ait besoin d'être fabriqué comme politique, juste en mode bah en fait, vos trucs, c'est des fictions, et j'en suis la preuve. C'est que, en fait, moi, je ne rentre pas dans vos cases, et j'ai pas besoin de vous prouver et de renverser votre pouvoir, parce que je peux choisir aussi de passer. Enfin, je le dis comme ça, en fait, aussi. Il y a de ça. Il y a de ça. Après, si ça compte, enfin, je peux pas me détacher des luttes. Je peux pas me détacher de tous ces sens politiques et sociétaux qu'il y a, et même en allant au-delà de ce qui me concerne, et pour le coup en plaçant en allié sur ces questions-là qui ne me concernent pas et sur lesquelles j'apprends. Et j'apprends à me placer et j'apprends à comment pouvoir être là, que ce soit, juste là en fait. Est-ce qu'il y a des références, soit des personnages, soit des personnes vraiment publiques, etc., qui vous ont inspiré, touché, ou même des scènes de films, que ça soit genre au tout début jusqu'à maintenant, que vous pourriez partager avec les auditrices? Mais enfin, moi, je sais que ça a toujours eu grave importance pour moi, les représentations lesbiennes, et c'est une des choses, je pense, qui fait que j'arrive pas à me détacher de cette identité-là, c'est que bah, ça me parle et je me reconnais en fait quand je vois des personnes lesbiennes, et à défaut d'avoir des représentations de personnes non-binaires, en fait les représentations dans lesquelles je me sens le plus proche, c'est celle-là. Je pense que une des premières représentations qui m'a fait un déclic, c'était Cali Arizona dans Grey's Anatomy. Je savais que je regardais Grey's Anatomy uniquement pour les voir. Et ça, vraiment, ça m'a marqué. Après, je pense que à chaque fois, globalement, que je vois un film où il y a une relation lesbienne, je le sens que je suis beaucoup plus proche de ces personnages et que ça me motive à regarder ce film, en dehors de quelques représentations problématiques, du coup. Mais ouais, vraiment Grey's Anatomy, ça m'a marqué parce que pour moi c'était ce qui m'a montré que en fait je me sentais concernée, et après le dernier film qui m'a vraiment marqué attention, Portrait de la jeune fille en feu, incroyable. Mais non, mais pourquoi? Alors qu'est-ce qui t'a touché dans Portrait de la jeune fille en feu? C'est une vraie question. Ouais. Je pense que c'est un mélange de plein de trucs. Genre, c'est aussi le fait que dans ce film, il y a quasiment que des meufs. Je crois qu'on voit deux mecs à tout péter dans le film. Encore, ils parlent pas, ou alors doit y avoir deux phrases. Et puis ça aborde des sujets dont on n'entend pas parler et qu'on voit pas, genre les bails d'avortement, de règles, tout ça. Et puis je trouve juste que leur relation... entre je sais plus leur prénom de personnage, mais Adèle Haenel et Noémie Merland, du coup, est extrêmement forte et extrêmement puissante. Enfin, je trouve que ça enfin, pour moi, ça se rapproche énormément de ma façon de relationner, dans le fait que ce soit hyper intense et juste ouais, juste hyper intense, en fait. Très intense et très doux aussi. Ouais. Pardon, ouais, il y a un truc d'émotionnel et ouais, de douceur. J'ai lu beaucoup de résumés qui m'ont beaucoup fait rigoler. Genre, oui, c'est une amitié très, très profonde. Oui, oui, ah oui, elles sont vraiment très, très amies, effectivement. Oui, oui, bien sûr. Ben, et c'est ça aussi que je trouve cool dans ce film, c'est que je pense que ça se voit, en fait, que ça a été réalisé par une meuf lesbienne. Genre, tu le sens dans le regard qu'elle porte sur le lesbianisme, que en fait c'est quelque chose de vécu, alors que on parlait de la vie d'Adèle tout à l'heure, et la vie d'Adèle, pour moi, c'est purement, tu le vois aussi que c'est un mec hétéro qui a fait son film et qui pose son propre regard de mec hétéro sur des meufs lesbiennes, et pour le coup je trouve beaucoup moins de vérité, en fait, et dès le début, alors même que je réfléchissais pas trop sur le cinéma ou surtout sur les représentations lesbiennes qu'il pouvait y avoir, et je pense que j'ai eu envie de me barrer de la salle de ciné avant même qu'il soit fini. Enfin, c'était juste trop long et trop vraiment ce cliché de la meuf artiste aux cheveux bleus qui rencontre une meuf genre, t'as quoi d'autre comme cliché sur les lesbiennes? Genre, c'est ouf. Oh, ça va, ça a été ma première relation, ok, Beaux-Arts, et puis de me faire de cette connexion. Je check le stéréotype. C'est peut-être pour ça que je me suis reconnue. Ouais. Mais ouais. Ouais. Mais je comprends carrément ce que tu veux dire, et ouais, bon, du coup, on a d'un côté Adèle Haenel et de l'autre Adèle Exarchopoulos, et ça fait deux Adèles de cette ambiance. Mais tu vois, moi, la différence, je pense que La vie d'Adèle, c'est le premier film avec vraiment une relation lesbienne au centre du scénario que j'ai vu, du coup, quand j'étais ado, 2-3 ans après sa sortie, je pense, donc j'avais 15-16 ans, et il m'a profondément marqué, mais aussi parce que je pense que je n'avais absolument pas conscience déjà de mon propre lesbianisme, donc je voyais ça, je pense, d'une manière très distancée, mais à la fois... En ayant réfléchi après coup, je me dis que ça m'a quand même énormément marqué, en fait, et que je percevais pas du tout que le fait même que ce soit un mec cis qui pose sa caméra devant deux meufs et que ce soit hyper sexualisé et oui, enfin, clairement, d'un regard de mec cis qui bande devant ce qu'il voit, quoi. Moi, c'est un truc que j'ai pas du tout perçu la première fois où j'ai vu ce film, en fait, et du coup, je pense que qu'il a réussi à me marquer, justement parce que j'avais pas cette vision problématique, mmh. Et que je n'avais absolument pas non plus les codes, je pense, des relations, quelles qu'elles soient, sexuelles et romantiques. Et du coup, c'était vraiment comme si ce film était apparu à une période où j'étais absolument neutre de vécu sur quoi que ce soit. Et du coup, comme j'étais un terrain vierge, ça m'a marqué. Vous l'avez vu à la même période, enfin au moment où il est sorti ou... Moi, je l'ai vu au cinéma, donc j'ai dû le voir avant toi. Moi, je l'ai vu 2-3 ans après. Mais globalement, on a dû le voir à peu près. Ouais. Non, pas en même temps. Ben ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que, ouais, déjà, il y a cette différence d'âge, et c'est que toi, du coup, ton coming out lesbien, il est venu aussi un peu plus tard. Ouais, exactement. Par rapport à. Enfin, du coup, il est venu après ce film, alors que toi, c'était au collège. Ouais, toi, pour moi. C'était peut-être à la même période, du coup. Ouais, c'était après mon coming out, je pense. Enfin, ça devait être la même période, parce que je me souviens l'avoir vu avec une pote de lycée, et j'ai fait mon coming out, genre, au début du lycée, donc c'était. Mais je pense que j'étais out, toi, déjà. Et toi, tes références, Loé? Du coup, je reste sur le cinéma avec Laurence Anyways, de Xavier Dolan, qui est au départ une relation dite hétéro, et qui évolue vers une relation lesbienne entre une meuf cis et une meuf trans, du coup. Qui est juste mon film préféré au monde. Je sais pourquoi même, mais pour tout, parce que je le trouve merveilleux, et même si c'est pas une personne lesbienne qui est derrière la caméra, même si les actrices ne le sont pas non plus, il me semble, je sais pas, il m'a bouleversée, alors même que je me suis pas du tout reconnue dans la relation, où j'y ai pas du tout projeté quelque chose que j'avais vécu, parce que donc c'est une relation entre deux personnes déjà qui sont adultes Et du coup, forcément, je pense que ce truc de jeunesse ben, me touchait moins à l'époque où je l'ai vu, même si je l'ai revu moult et moult fois après. Je sais pas, pour l'intensité de tout le temps, pour les poèmes de Paul Éluard, pour la musique merveilleuse de toutes les bandes originales de Dolan, pour l'accent québécois, pour pour tout, genre vraiment, je l'ai adoré. Et en dehors du coup du cinéma, est-ce qu'il y a d'autres œuvres Il y en avait plus tardivement du coup pour moi. Ouais. Parce qu'au départ, ou alors je m'en souviens moins, mais du coup après, ouais, c'est quelque chose que j'ai énormément cherché, que ce soit même dans des clips ou quoi, enfin vraiment le support le plus, pas le plus petit, mais oui, un clip ça dure 3 minutes, c'est pas le truc qui te bouleverse à première vue, mais en fait il y a des clips incroyables de relations lesbiennes, je pense notamment à une des premières musiques de Soko qui s'appelle... Je me souviens plus. We Might Be Dead By Tomorrow. Qui est trop belle. Et une autre qu'elle vient de sortir, Let Adore You. Moon, did how I like you best. À chaque fois dans les clips, en plus, donc c'est elle qui est mise en scène, c'est une personne lesbienne. Je crois qu'à chaque fois, ces deux clips, c'était avec, avec la personne avec laquelle elle relationnait au moment du clip. Donc ça crée vraiment un truc de... Tu rentres dans une relation qui est juste exposée comme étant vraie, et ça se voit et ça se ressent, et c'est merveilleux. Donc vraiment, je me suis beaucoup tournée vers plus les clips au-delà de... Enfin, qui forcément accompagnent une musique avec forcément des paroles en général qui font écho à un clip. Mais du coup, je sais que l'aspect visuel me m'attrape toujours plus que des paroles de chansons que je mets souvent du temps à comprendre quand elles sont en anglais, quand on ne sait pas chercher leur signification. Donc, ouais, beaucoup les clips. Et puis après, la littérature, bah, dépend, clairement. Ouais. Dépend de tout le lycée. J'ai voué un culte à cette personne. Ça arrive encore, d'ailleurs. Mais du coup, ouais, King Kong Theory... Enfin, ça a été vraiment, je pense... ce qui a traversé tout mon lycée, à tel point que j'ai fait mon bac d'espagnol sur Virginie Despentes d'ailleurs. Et en fait, le fait que ce soit une personne réelle qui va au-delà du coup de la fiction, comme on disait tout à l'heure dans des films, je pense que je me suis dit ah waouh, en fait ces personnes existent, et ça a apporté un truc de vraiment concret à un vécu, en fait, qui n'était pas juste témoigné dans une œuvre de fiction ou sur le lesbianisme, tu veux dire, ou sur, ouais. De façon générale, parce, enfin, sur le lesbianisme, et puis sur ses identités multiples qu'elle revendique, en fait. Je pense que ouais, ça a été un peu ma première vraie claque, si on occulte complètement la vie d'Adèle, parce que ça en a été une après coup, donc dépend, c'est quelqu'un qui est arrivé très tôt et qui est resté, quoi. Mais je fais un... une coupure dans le sujet. Moi, ce qui me marque quand on parle de qu'est-ce qui nous a marqué justement dans ce qu'on a pu voir comme représentation lesbienne, c'est surtout le fait qu'il y en a extrêmement peu. Et genre, on parlait d'autres choses que des films. Et je me souviens que je regardais, c'était vers le lycée aussi, une série qui s'appelle Skins. Et il y a beaucoup de saisons, c'est une bande d'ados. Et je pense que je pourrais dire... le numéro de l'épisode de quelle saison où il y a les deux meufs qui relationnent, qui se chopent, genre à tel point. C'est tellement rare que je pourrais te citer ce truc-là, alors que je sais pas combien il y a de saisons, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'épisodes par saison. Et ouais, c'est surtout ce truc de... Enfin, si ça nous marque à ce point, et si on arrive à les dire, c'est qu'il y en a extrêmement peu. Un exemple, quand j'étais petite, j'étais grande fan de La Belle et la Bête de Disney. Et après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais beaucoup la première partie du film et pas la deuxième. C'est-à-dire la première partie où Belle envoie chier absolument tous les mecs autour d'elle, notamment... Gaston. Notamment Gaston, l'archétype du masculin. du mec à qui il ne faut jamais sortir. Je me demande ce que tu peux savoir de mes rêves, Gaston. Tout ! Tiens, imagine une seconde. Un chalet niché dans les arbres, un quartier de sangliers grillant sur le feu. Ma petite femme qui me masse gentiment les pieds pendant que nos enfants gambadent avec les chiens. 6 ou 7, ce serait parfait. Chien ? Oh, belle, 7 superbes gaillards comme leur père. Je vois ça d'ici. Et sais-tu à quelle femme j'ai pensé ? Laisse-moi deviner. À toi, belle. Gaston, je suis abasourdie, sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Oh, dis que tu rêves de m'épouser. Je suis vraiment désolée, Gaston, mais... Mais... Je ne te mérite pas. En fait, quand j'étais petite, voilà, j'adorais la première partie du film et moins la deuxième. Et en grandissant, je me dis, ah oui, mais en fait, c'est normal. C'est juste que la première partie, elle envoie chier absolument tous les mecs autour d'elle. Et bon, la deuxième partie, voilà, on retourne dans quelque chose de merveilleusement hétéronormé. Mmh. C'est autre chose, mais bon. Et si Disney nous écoute, est-ce que vous pouvez faire un remake dans lequel Belle envoie chier tout le monde et sort avec... je sais pas, moi... La théière ? Ouais. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé... avoir du coup des séries, lire des trucs, enfin je tapais sur YouTube des vidéos lesbiennes où t'avais des personnages du coup dites femmes qui s'embrassaient et tout, enfin genre je lisais des fanfictions, je lisais les articles de Barbiturix hein, aussi. Enfin ouais, genre j'étais vraiment en très grosse recherche de références. J'ai regardé peut-être presque tout ce qui, enfin plus ou moins tout ce qui regarde, tout ce qui est possible d'être regardé. Je cherchais vraiment plein de trucs et tout. Je trouvais vraiment pas grand chose. En tout cas à cette époque-là, il y avait vraiment très peu de ressources. Ça m'a beaucoup manqué, mais j'ai aussi trouvé des choses chouettes, des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont déçu. C'était quoi qui te plaisait, qui te déplaisait ? Bah, ça allait être genre dans les séries où il y a des bails lesbiens et puis en fait non, elle finit avec le mec, ce genre de bails là. Dans les choses qui m'ont plu, je sais pas pourquoi là je pense à La fille du botaniste, qui est un film magnifique, qui se passe en Asie de l'Ouest. Je pourrais pas situer le pays exact, voilà. D'une personne qui va faire un stage en botanique chez un grand maître botanique qui vit avec sa fille. Et du coup, les deux personnages tombent amoureuses l'une de l'autre. Et il y a une petite idylle jusqu'à ce qu'il y ait découverte. Sachant que l'homosexualité est illégale dans ce pays-là, elles ont été séparées de force. C'est pas un film qui se finit très bien, mais ça reste un très beau film. Que j'ai beaucoup aimé, qui est très beau, qui est très touchant, qui est très sincère. Et puis effectivement, j'ai fait partie des nombreuses personnes à avoir vu La vie d'Adèle. J'étais au cinéma avec une personne vers qui j'étais attirée, c'était très gênant. C'est un peu ce souvenir que j'en garde, pour le coup. Un peu la gênance du moment. Plus tard, j'ai pu lire la BD, qui pour le coup, elle, n'a rien à voir et est absolument magnifique, qui m'a fait sourire et j'ai pleuré. Désolée, hein, mais moi, la vie d'Adèle, c'était ultra important dans ma vie. Allez, on est en mardi. Je suis sortie en 2013, j'avais 13 ans en 2013, c'était la première fois de ma vie que je voyais des lesbiennes. Il me semble, mais je regardais The L Word à cette époque-là. Mmh. Et The L Word, vraiment zéro identification de personnage. Ah ouais. Je suis fou amoureux de Shane depuis 10 ans, mais... Comme toutes les lesbiennes, c'est fou. Et pourquoi, moi je me demande toujours, pourquoi Shane fait autant l'unanimité? Est-ce qu'ils sont, c'était un but, est-ce qu'ils sont foirés en mettant toutes les autres lesbiennes? Pourquoi est-ce que toutes les lesbiennes, quelle que soit leur identité de genre, etc., ou expression de genre, ou attirance, ou machin, etc., crush tous? Je crois que c'est un truc dans son chez... expression de genre. Ouais. Tu vois, elle a un truc universellement lesbien de... genre, elle est pas hyper femme. Elle est plutôt masculine, mais c'est pas non plus... Elle est fouch. Ouais, fouch. Genre, elle est pas archi butch. Elle a un espèce de côté, genre, enfin, je sais pas. Ouais, elle fait vraiment... En fait, elle est un peu basique, tu vois. Mm. Ouais. Non, puis je sais pas, elle a un côté bad boy, enfin... Ouais, c'est vrai. Elle faisait du skate. Oui, bon, du coup, la vie d'Adèle, dans tout ça. Et genre, du coup, c'était là, en dehors de... Oui, et du coup, dans The Law, enfin... J'avais aucun personnage auquel m'identifier, tu vois, parce que, enfin... Mm. On s'identifie pas à ces personnages, puis genre... Je suis désolée, hein, mais c'est des hétéros qui couchent avec d'autres meufs, c'est tout. Pour toi, du coup, c'est des personnes qui sont pas lesbiennes vraiment? Ah, mm. Ah si, elles sont lesbiennes. Ok. Mais t'as... Elles sont pas green. Ok. Non, mais si tu prends le couple de Beth et Tina, par exemple... Ouais. Bon, elles sont archi choues par ailleurs, tu vois, et je trouve que c'est des personnages qui sont intéressants par d'autres points, mais vraiment en tant que, enfin, elles ont un côté très, c'est cliché quoi, enfin il y en a une qui travaille et qui a un job hyper bien placé dans un musée, l'autre qui est femme au foyer, il y a un peu ce truc de... Enfin, je me rappelle plus bien de toute l'histoire, mais je me demande s'il n'y a pas un moment où celle qui est femme au foyer, elle est un peu là en mode genre... Enfin, parce que la salée, je fais des guillemets avec mes doigts. Je suis pas d'accord avec ça. Et sa compagne qui travaille, qui... Ben, en gros, qui la trompe. Enfin, je suis désolée, mais... elle se comporte comme un mec cis, tu vois. Enfin... Et ouais, c'est une reproduction du schéma hétéronormé juste avec deux personnes lesbiennes quoi. Ce couple là, enfin c'est un couple c'est des homo nationalistes. Ouais, non mais je suis totalement d'accord. Et c'est un reproche aussi qui a été fait beaucoup à la série et tout, même la dernière saison là qui est sortie, qui ben il y a un épisode de Gwyn on l'a dit qui revient là-dessus aussi avec Marion Olité. Je suis assez d'accord sur une partie de leur lecture. Et moi, la vie d'Adèle, enfin, il y avait vraiment ce truc de genre, c'était une lycéenne, c'était un film français, du coup, avec, enfin, tu vois, c'était pas un film qui se passe à LA, où t'as les baraques de LA à l'intérieur, avec les voitures américaines, enfin, c'est je sais pas. Et il y a un truc où tu te sens, enfin, dans la manière de filmer... Je critique beaucoup le réalisateur dans mon mémoire par ailleurs, mais je trouve qu'on se sent quand même proche des personnages. Et du coup, je dirais elle est assez doux, enfin Emma, dans la vie d'Adèle. Ouais. Est-ce que t'as trouvé cette visibilité lesbienne quelque part dans ta vie ou... Le film Pride m'a bien fait marrer. Alors, okay. Le film Pride est alors, à la fois triste et marrant en même temps, mais il reste très, très marrant. Et il m'a parlé dans cette espèce de ressenti qu'on peut avoir quand on milite dans les milieux LGBTI, et dire, il y a les cis gays, voilà, ils prennent un peu toute la place, et puis quand il restera un petit peu de place, on fera un petit peu de place pour les lesbiennes, les bi et trans, mais voilà. Et j'ai trouvé ça très parlant. Et la, je sais plus qui était la, qui était le personnage principal qui jouait une militante lesbienne, mais en gros, elle était, ça me parlait, elle était très vénère, elle laissait rien passer, elle en avait strictement rien à secouer, c'était un peu no fuck given, quoi. Et ça m'a un peu parlé, je suis un peu comme ça aussi. J'ai pas le temps, quoi. Enfin, définitivement, dans mon militantisme LGBTI en général et lesbien ou trans, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'argumenter, de discuter, d'un machin, d'essayer de faire comprendre à des personnes qui de toute façon ne voudront jamais comprendre comment ce qu'on revendique, ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Donc du coup, tu fonces, tu te concentres sur les adelfes. Ouais. l'action plutôt que les paroles, souvent, parce que enfin, ça dépend avec qui, c'est comme d'habitude. Discuter, théoriser lesbianisme politique, transpédéguine, tout ça, entre adultes, bien sûr. Oui, avec les 6-7. Parler de ça avec des personnes 6-7, franchement, enfin... Voilà, quoi, c'est comme donner un couteau à une poule, à un moment donné. C'est clair. Est-ce que pour vous, c'est genre un prérequis absolument intransigeant que ça soit des personnes concernées qui parlent de ces histoires-là? Je pense pas que ce soit un prérequis, par contre, je pense que ça se ressent, en fait. Et c'est ça qui fait que ça me marque plus. C'est parce que tu le sens que c'est quelque chose de vécu et qui est pas juste fantasmé ou stéréotypé, en fait. Ouais. Du coup, je parle de la question du male gaze. Ouais. Et je sais pas si ça a déjà été conceptualisé, je crois que je l'ai jamais croisé ailleurs. Mais je crois qu'on peut aussi parler d'hétérosexual gaze. Ouais. Et bah, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec la pornographie comme matériau. Et en fait, il y a un sociologue qui s'appelle Mathieu Trashman qui a travaillé sur. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le travail pornographique, et du coup, il travaille sur les actrices porno. Et en fait, il explique que la majorité des actrices qui jouent dans des films lesbiens sont hétéras. Okay. Et vont très occasionnellement avoir des rapports avec des meufs en dehors du taf, ça arrive, mais la plupart du temps c'est pas le cas. Et en fait, ont des rapports avec des meufs uniquement dans le cadre du travail. Ce qui en fait, on le retrouve aussi dans La vie d'Adèle. Mm-hmm. Où, alors, Adèle et Escar. Exarchopoulos. je sais pas, mais il me semble que Léa Seydoux est hétéra. Mais du coup, il y a un peu ce truc de... En fait, quand tu... La production, elle va être majoritairement détenue par... la réalisation, elle va être faite par des mecs 6-7. Ouais. Du coup, qui réalisent leur fantasme de mecs 6-7 en utilisant des hétéras pour le faire. Mm. Tu vois? Enfin, pas qu'elles sont utilisées, enfin, c'est leur taf et... Ouais. Et elles sont actives là-dedans, tu vois, mais du coup, il y a une collaboration totale de personnes hétéros pour parler de nous, sans jamais inclure des lesbiennes là-dedans, tu vois. Et en fait, enfin, on voit que le male gaze, dans le cas des représentations de sexualité sapphique, en fait, il s'ajoute à un... Enfin, t'as un hétérosexual gaze qui s'ajoute à ça, de non seulement c'est pas fait, enfin, t'as un regard masculin qui se pose sur nous, mais en plus t'as un regard hétéro qui se pose sur nous. Du coup, t'as encore un double truc, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, ça, concrètement, ça se traduit comment, par exemple, d'après toi? Bah, on n'a pas une seule représentation de sexualité lesbienne correcte, quoi. Mais ce serait quoi une représentation sexualité lesbienne correcte? Non, en plus, c'est pas vrai, enfin. Il y a des super réalisatrices qui font des super trucs, mais bah, je sais pas, enfin, pas des meufs qui font le ciseau pendant cette nuit. Ouais. Bah non, mais par exemple, j'ai travaillé sur la question des scripts sexuels. Ce passage mentionne des pratiques sexuelles de manière assez explicite. Pour ne pas l'écouter, vous pouvez avancer d'environ 2 minutes. Enfin, je fais du sexe lesbien, donc je sais un peu comment ça se passe. Mais ça se passe pas pareil avec tout le monde, tu vois, mais voilà. Et je trouve pas que ça soit généralement des scripts hétérosexuels. Et quand tu regardes le script de la pornographie lesbienne, c'est quasiment systématiquement, ça commence par un cuni, et ensuite t'as une pénétration. Qui est généralement en plus avec un god. Donc, ce qui est pas forcément. Enfin, quand tu regardes les études de l'utilisation du god dans les couples lesbiens, y a pas mal de personnes qui l'utilisent, mais en fait, c'est pas un truc qui est en général tout le temps. C'est un truc qui va venir de temps en temps et qui va pas être le centre du truc, tu vois. Et là, vraiment, dans ce film-là, t'as vraiment l'enchaînement systématique de cunnilingus, pénétration avec God, qu'on pourrait réassocier au phallus. Ce qui en soi est pas grave, enfin, genre. Mm-hmm. Enfin, c'est très bien, tu vois, mais factuellement, c'est ce qui se passe. Et t'as systématiquement une active et une passive. Et ça ne change pas. Et ça ne change pas. Et en fait, du coup, même le script, en fait, ils ont pris deux meufs, mais ils leur font faire du sexe comme des hétéros, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et il y a un autre truc auquel je pensais quand tu disais que c'était pas très réaliste et tout, et ça me faisait penser à un truc que j'avais trouvé très vrai, je crois que c'était dans Le cœur sur la table, je sais plus si c'était Chloé m'a dit ça ou un ou une autre intervenante, mais qui parlait de la lenteur, aussi du prendre le temps à la temporalité, et que bah, après bah, aussi la pornographie mainstream elle est très capitaliste, etc., elle est très dans le truc à faire éjaculer le plus vite et du coup à aller direct avec des trucs très trash, etc., comme si c'était ça, il y avait que ça qui marchait, etc., des gros plans et tout, et ce que permettent d'autres réalisatrices non mainstream et non cis mec, c'est aussi d'avoir de prendre en compte plutôt des rapports bien plus lent en fait, et de douceur, et qu'en fait c'est des sexualités aussi entre minorités de genre qui se font beaucoup plus sur le partage et qui sont un retour à l'érotisme et qui est tout aussi excitant en fait, mais une sortie du génital en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais pas, les organes. Regarde, il y a un truc qui est très très axé sur les organes génitaux, alors que j'avais trouvé un truc sur un site indé, etc. Et dedans, t'avais des personnes qui prenaient de la thé, et ça faisait partie des actes durant le film, tu vois. Et oui, il y avait une partie qui était génitale, etc. Mais en fait, j'ai pas envie de parler de préliminaire parce que... Ouais. Mais on va dire tout ce qui se passe en dehors de l'acte génital, c'est important aussi. Parfois, c'est même le centre de. Ah ouais, parce que des fois, il n'y a même pas de génital et c'est très bien aussi, tu vois. Oui, je suis d'accord. Vous avez l'impression que par rapport à cette visibilité, ça a un peu évolué du coup ces dernières années, qu'il y en a plus de gens out et plus de représentations. Ouais, honnêtement, je pense qu'on peut pas dire le contraire. Et je pense que... Après, c'est aussi vachement corrélé au milieu dans lequel tu traînes et aux personnes qui gravitent autour de toi. Parce que je pense que c'est encore un truc, un milieu qui est favorable... Enfin, pas qui est favorable, mais qui est composé de personnes... queer ou LGBT forcément entraîne le fait que t'en connaisses encore plus et que du coup tu te tournes encore plus vers ça, et ouais, c'est un truc qui s'alimente en fait de manière naturelle avec le temps et avec les personnes, je pense, avec lesquelles tu traînes, et puis avec les réseaux aussi beaucoup, même si je sais plus, mais non, moi je vais dire le contraire, c'est vrai. Bah ouais, mais juste parce que moi je parle en tant que personne trans non binaire lesbienne, et que on parle de représentation, et pour le coup c'est une représentation que moi j'ai jamais vue nulle part, enfin en tout cas dans des work in progress, ouais, dans des films, dans des séries. Ah oui, moi je parlais pas de ça, par contre. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai pas vu, et quand bien même il y a des personnes, enfin je suis pas du tout la seule personne trans masque lesbienne. Mais quand bien même c'est le cas, enfin c'est un sujet qui a énormément fait débat il y a, je sais pas, peut-être 6 mois dans la communauté trans elle-même, parce que c'est quelque chose qui est pas accepté par beaucoup de personnes en fait, et des personnes trans masculines elles-mêmes, quoi. Ça a été un gros débat parce que remettant du coup nécessairement en question le fait que des personnes des mecs trans soient des mecs en fait. Genre, c'est si tu considères qu'une personne trans masculine est lesbienne, ça veut dire que tu considères pas que cette personne est réellement un mec, alors que c'est juste une part d'identité qui est hyper liée. Et en plus, moi je sais que factuellement, ça, je pense que mon orientation sexuelle et mon identité de genre qui est non binaire sont réellement liées, parce que il y a cette phrase mythique de Monique Wittig qui dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Et elle est hyper pertinente, mais dans les faits, en fait, je l'ai ressenti au lycée parce que je voyais que les gens ne me considéraient pas comme une meuf, en fait. J'étais pris en compte dans, quand il y avait des trucs entre mecs qui se passaient, quand il y avait des trucs entre meufs qui se passaient. Mon prénom était la version de mon ancien prénom, du coup, mais genré au masculin. Enfin, genre, j'étais lesbienne, mais du coup, je n'étais pas une meuf. Et je pense que ça a un vrai lien avec ma non-binarité. Et aussi parce que, enfin, le fait que je sois lesbienne m'a aussi vachement laissé la possibilité d'explorer ma masculinité. Enfin, les deux sont hyper liés. Je trouve ça dur, en fait, que des personnes trans viennent te dire que c'est une part de ton identité que tu dois absolument rejeter à partir du moment où tu ferais ton coming out trans, parce que bah, finalement, c'est peut-être aussi un début de tout ça, quoi. Enfin, c'est un truc qui aide dans ta construction de ta masculinité en tant que personne trans, quoi. Mais oui, en termes de visibilité, c'est un truc qui fait... qui a fait débat, et je pense que les personnes trans elles-mêmes ne sont pas du tout d'accord concernant ce sujet-là. Ouais, parce que tu soulignes, ça renvoie à plein de débats et de dissensions propres à la communauté LGBTQIA+, en général, aux communautés queer, aux communautés trans, aux communautés lesbiennes, etc. Et c'est aussi un truc qu'on revoit beaucoup dans les stéréotypes un peu des lesbiennes, et que beaucoup de lesbiennes, notamment butch, donc c'est-à-dire les personnes lesbiennes qui sont les plus qui ont une expression de genre qualifiée de plus masculine, etc., qui souvent vont avoir ce truc de qualifié de garçon manqué dès l'enfance, et genre dire que genre ne se reconnaissent pas dans un truc totalement cis passing, et qui montre bien qu'en fait genre il y a toujours le même régime qui est hétérosexuel, mais qui est surtout de la binarité. Genre, si tu vas dans l'autre identité de genre, du coup, tu ne peux pas être lesbienne, parce que du coup, tu dois être forcément hétéro. Donc, du coup, tu dois forcément être de l'identité de genre opposée. Et ça, c'est un truc, qui est très beau, de façon dure, mais très, très belle, raconté aussi dans Stand Butch Blues. Est-ce que t'as l'impression que la visibilité lesbienne, elle a un peu évolué dans le bon sens ces dernières années, depuis toi tes premières jeunes années? Ben, en fait, j'ai envie de dire oui, mais c'est parce que je suis plus en contact avec les personnes concernées. Dans la réalité, je pourrais pas vraiment dire. J'ai envie de dire oui parce que je milite sur ces questions-là, et qu'on fait des choses sur ces questions-là. Mais la vérité, c'est que non. Ouais, dans l'espace public. Dans l'espace public, ça reste pareil. Peut-être qu'à l'école, ça a peut-être changé avec les générations qui évoluent. Ils sont pas, les nouvelles générations ne sont pas la même que la mienne, qui déjà n'était pas la même que celle de nos parents, et blablabla. Du coup, pour moi, oui, ça tend à changer. Ça tend forcément à changer parce que tout évolue constamment. Mais là, maintenant, politiquement ou quoi, oui, on en parle peut-être un peu plus. Mais c'est pas parce qu'on en parle qu'on fait réellement des choses. On parle beaucoup des lesbiennes invisibles, etc. C'est quelque chose que tu t'adhères aussi? Ou est-ce que tu trouves que ça a un peu évolué ces dernières années ou... Alors, ce que je vois, moi... un petit peu dans la vie et aussi sur les réseaux sociaux, c'est j'ai de plus en plus l'impression que les lesbiennes racisées et ou trans prennent de plus en plus la parole et en fait prennent la place. Je trouve ça chouette, parce que le monde du lesbianisme n'est pas que le monde de bonjour, je suis cis blanche, éduquée, et je m'appelle Alice Coffin. J'ai rien contre Alice Coffin. Mais... Si tu as quelque chose contre Alice Coffin, dis-le, Gaël. Et si c'est blanche, vis-à-vis des problématiques trans, elle a une posture d'alliée que je comprends pas toujours, qui est, des fois je vais relayer votre parole, mais des fois non, mais des fois un peu, mais des fois pas du tout, et puis des fois je vais écrire dans mon livre que... Écoutez, quand on a discuté de la PMA, les collectifs trans, ils s'en foutaient. Non. Mm. Non, toujours pas. Hein. Et puis, je vais donner une récompense à Fred Sargent, qui est un transphobe notoire. Et puis, je pense qu'Alice Coffin est une alliée qui fait ce qu'elle peut. Tant qu'elle y est cis, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué. Voilà. Donc, je vais pas lui jeter la pierre. Mais en même temps... j'ai pas trop envie de laisser passer ces comme pour toute personne cis, même non lesbienne, tu n'as pas trop envie de laisser passer les côtés. Ok, tu te dis allié, mais là, ce que tu as fait, c'est moche, quoi. Ouais, on peut prendre les quelques trucs, etc. Mais heureusement qu'il y a enfin, qu'on n'attend pas des alliés qui qui elles fassent des trucs pour soi et que genre. Oui. Il y en a d'autres aussi. Il y a un autre truc aussi, moi, où j'étais pas d'accord avec Alice Coffin, c'est un peu sur l'injonction au coming out qu'elle fait. Enfin. Ouais. En disant que c'est vraiment une responsabilité, etc. Et je comprends, enfin, son argumentaire et tout. Je comprends l'idée de représentation. Et en même temps, je pense que oui, effectivement, de sa position assez privilégiée socialement, c'est facile. Coming out, ça appartient à chaque personne. Et justement, ouais. De vouloir ou de le faire, enfin. Bah, c'est, enfin, l'actualité récente nous prouve que, régulièrement, que même quand t'es une personnalité connue et reconnue et appréciée, bah tu vas quand même t'en prendre plein la face si jamais tu fais pas un coming out, mais en gros tu fais comprendre que t'es lesbienne. Enfin, quelle chanteuse s'en est pris plein la face il y a quelques semaines juste à cause de ça, je sais plus qui c'est, mais c'est pas Oshi. Il y avait de la grossophobie aussi. Ok, le coming out c'est bien, mais une personne cis gay très connue, enfin je sais pas moi, Laurent Ruquier risque moins gros entre guillemets de faire son coming out public à la télé que n'importe quelle lesbienne racisée. Enfin, à un moment, le patriarcat joue aussi dans ses rapports de pouvoir, donc faut pas l'oublier, quoi. Depuis ma discussion avec Gaëlle, Alice Coffin n'a rien trouvé de mieux que de carrément s'illustrer avec une pancarte scandant une citation d'une militante ouvertement transphobe des années 60 aux États-Unis, Tigress Atkinson. Comme si on manquait de références féministes et lesbiennes non radfem. Il n'y a donc même plus de position d'alliés qui tiennent. Il est scandaleux que cette personne qui occupe une telle place dans l'espace public, journalistique et militant, se soit arrêtée en chemin de ses déconstructions et prête avec autant de désinvolture sa visibilité à des transphobes notoires. Et depuis, t'as l'impression que... Enfin, il y a eu d'autres figures. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a plus de visibilité des lesbiennes dans les cultures, la culture? Non. Ouais. Vraiment pas. Quoique si, avec Netflix, un petit peu, mais... Franchement, c'est pas le fou. Les inspirations et les représentations que je me fais et les personnes qui m'inspirent, c'est les personnes du quotidien, c'est pas forcément une figure de fiction ou cette super autrice qui a écrit 40 bouquins sur pas que le lesbianisme et tout, il faut absolument la lire. Oui, oui, on peut aussi, et puis on peut aussi s'inspirer de ce qu'on voit au quotidien autour de nous, puisque en fréquentant les milieux LGBTI, on fréquente des lesbiennes, donc on... Je sais pas, c'est un échange, on voit comment des lesbiennes peuvent... porter certaines fringues ou pas, et dire « Ah ouais, ça, comme ça, c'est sympa, oui, cette chemise à carreaux, elle est bien. » Ah oui, enfin voilà. Tout ça. C'est donc j'ai pas de figure inspirante, d'idole, de lesbienne, je sais pas. Après, c'est un petit peu lié à mon positionnement politique, qui est « Je déteste les idoles et les grandes figures. » Donc ça va être un peu difficile d'imaginer une grande figure dans mon identité de lesbienne, puisque dans mon identité politique générale, qui est anarchiste, je déteste les grandes figures. C'est un peu compliqué. Dans la question de la visibilité lesbienne, il y a la question de la production de contenu lesbien. Et j'ai remarqué que la majorité des lieux et des, enfin, de ce qu'on allait pouvoir avoir en tant que lesbienne soit vraiment destiné aux personnes avec des sexualités sapphiques, étaient toujours des lieux et des choses produites de manière artisanale, c'est pas le mot du tout. On va dire un peu plus de la débrouille. Tu vois, par exemple, si tu regardes le bar lesbien en français, c'est la Mute. C'est un bar associatif. Alors que des bars gays avec full de moules dedans, tu vois. C'est grave, ça. Il y en a des tonnes, enfin, des trucs hyper institutionnels où c'est pas du tout de la débrouille, tu vois. Enfin, il y a de l'argent qui est injecté dedans et il y a une possession des. Des moyens de production, pour apprendre Marx. Ouais, tout à fait. Et en fait, par exemple, tu vas le retrouver aussi dans la production de films. Enfin, t'as une énorme production de web-séries sur YouTube, lesbiennes, qui sont géniales, qui sont produites par et pour des lesbiennes. Et c'est encore un truc, tu vois, c'est fait avec... Les moyens du bord. Ouais, c'est fait avec les moyens du bord. Ouais. Et si tu regardes l'importance des fanzines, c'est encore du moyen du bord. Et je trouve ça assez intéressant de voir comment, en fait, Je pense que c'est aussi pour ça que t'as plus de visibilité gay que de visibilité lesbienne. C'est en fait que juste, genre, même s'ils sont gays, ça reste des mecs. Ouais, du coup, ils ont accès aux moyens de production, ils ont... Enfin, ce qui n'est pas le cas des gouines, en fait. Ouais, il y a un double truc dans, dans ce phénomène, c'est que oui, bah, du coup, forcément, c'est des cis mecs, etc., qui vont avoir plus d'accès aux ressources. Et il y a vraiment eu un truc aussi du capitalisme, genre à partir des années 70, qui vraiment s'est emparé des mouvements LGBTQIA+, et qui en a fait, du coup, qui les a cooptés, comme il fait tout le temps avec l'homonationalisme, et qu'on se retrouve à la fois dans le politique et aussi dans les entreprises et les multinationales, et qui font du pinkwashing et qui utilisent les figures gays, mais surtout du cis mec gay et les codes gays, la culture gay, et qui l'utilisent à fond pour dorer leur figure d'entreprise, et du coup toutes les modes gays qui ont été repris par les hétéros, etc., et dans lesquels on a injecté beaucoup de sous, parce que voilà, ça faisait gay-friendly, et c'est le même phénomène qu'on retrouve aussi dans les prides, qui font que, genre, bah, c'est toujours les mêmes... Enfin, voilà, c'est les mecs, les cis gays qui ont le plus de ressources, et du coup, d'où toute la thune injectée aussi là-dessus, pour les chars, pour les trucs, et puis voilà, c'est genre... Bah, c'est dans le Marais, tu vois, qui est genre le quartier gay de Paris, où il y a les boutiques les plus tunées, que ça soit de mode, d'art, etc. Et il y a vraiment un gros truc de lien avec le capitalisme qui a pris, qui a coopté, mais qui est vraiment en mode de phénomène de Tekken, quoi. Genre de prendre les personnes cis gays, de leur donner des postes, enfin, un poste, faut pas non plus trop déconner, genre dans les startups, dans les médias, etc., pour parler de ça, et parce que ça faisait bien, et qu'il y a ce phénomène de mode, et que les lesbiennes, en final, on s'en fout, parce que déjà, c'est décrédibilisé comme pas vraiment une sexualité, que, bah, après, ça reste essentiellement, bah, des femmes et autres minorités de genre, et il y a, par rapport à ça, il y a plusieurs chercheuses qui ont travaillé là-dessus, et notamment dans le livre que j'ai déjà cité, qui est « Je transporte des explosifs, on les appelle des mots », donc un livre un recueil de poèmes lesbiens, états-uniens, et il y a tout un essai, je sais plus comment s'appelle l'autrice, Jane, je sais plus, je vais la trouver. Il s'agit en effet d'un essai de Jane Clausen, qui figure dans la première partie du recueil de poèmes « Je transporte des explosifs, on les appelle des mots », édité aux éditions Cambourakis, et que je vous recommande pour une bonne dose de poèmes lesbiens. Et qui explique justement comment les poétesses lesbiennes aux États-Unis dans les années 70 ont dû passer par leurs propres moyens de production pour s'auto-éditer, etc. Et qu'il y a eu vraiment ce truc de toujours plein de librairies en auto-édition, etc. Et ouais, enfin, c'est un vrai, vrai, vrai phénomène, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui manque à la visibilité lesbienne d'après toi? Ce qui manque et ce dont j'ai envie de parler, ce que j'ai envie de montrer durant la journée de visibilité lesbienne qui est le 26 justement, c'est regardez, comprenez, écoutez et éduquez-vous sur les lesbiennes racisées ou les lesbiennes trans. Les lesbiennes racisées ont souvent été à l'avant-garde de l'acceptation des questions trans dans le lesbianisme. Les militantes afrofemmes ont toujours été à l'avant-garde de plein de choses, de toute façon, donc il faut les écouter. Et écoutez les militantes afrofemmes, les gens. Et les militantes afrofemmes lesbiennes encore plus. Donc voilà ce que j'ai envie de mettre en visibilité, ce dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, c'est ok, les lesbiennes cis blanches, oui, bien sûr qu'on va en parler, mais il n'y a pas que les lesbiennes cis blanches. Et toi, en tant que personne blanche, t'arrives à trouver ta position d'allié par rapport aux lesbiennes racisées, par exemple? J'essaye le plus possible de les mettre en visibilité, quoi, de leur laisser la place, par exemple, sur des questions qui leur sont très, très personnelles sur la PMA. Il y a des pans de la loi sur la PMA qui sont ciblés précisément sur les personnes racisées, on le sait. Et moi, je pense qu'on peut qu'on peut leur donner un micro, leur donner la parole et leur donner la place pour s'exprimer sur les sujets qui les concernent elles spécifiquement. Mm. Et un peu se mettre en retrait, dire ok, je suis une lesbienne blanche trans, mais les lesbiennes racisées ont aussi des choses à dire qui sont spécifiques à leur combat, spécifiques à leur lutte et à leurs oppressions. Donc donnons-leur de la visibilité si on peut. Si on organise des choses avec du public, donnons-leur le micro, laissons-leur la parole et laissons-les s'exprimer. Ouais, ou allons écouter là où elles l'ont déjà pris. Voilà. Ouais, du coup, c'est un peu la démarche que tu as faite aussi par rapport, enfin, dans FACAP et tout, de visibiliser du coup les personnes qui t'inspiraient et tout. Il y a des trucs que tu retires en particulier des différentes personnes, par exemple, que tu as souhaité visibiliser pour la journée de visibilité lesbienne. Alors je me sens forcément j'ai pris l'initiative de mettre en visibilité quatre personnes qui sont quatre lesbiennes racisées. Je me sens forcément un peu plus proche de Leslie Feinberg. Mm. Même si c'est pas dans le même sens, mais enfin bref, vous avez compris. Mm. Non, je crois qu'elles sont elles ont toutes il y a Cheryl Clark, il y a Pat Parker, il y a Stormy DeLarvery, il y a Leslie Feinberg, elles ont toutes leur mot à dire et leur pierre à apporter à l'édifice du lesbianisme empouvoirant qui renverse le pouvoir patriarcal. Je parle avec succès. Mmh, très bien. Je pense qu'elles ont... Oui, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas... dont on ne trouve pas tant d'écrits que ça, enfin, surtout... en français, etc., ou qui ont été aussi plus peut-être militantes que autrices. Ouais. Moi, j'en ai découvert par toi, justement, de... Mais souvent, c'est ça, c'est... comment on découvre les autrices lesbiennes radicales, bah, c'est le bouche-à-oreille entre lesbiennes ou entre féministes, quoi. Toute leur place, et alors... Bon, je pense que j'ai une petite pensée particulière pour Stormy, qui était là à Stonewall, qui a toujours été là pour défendre les lesbiennes, les personnes trans, les lesbiennes trans racisées, tout ça, et bon, qui n'est plus là maintenant, mais enfin pour les personnes qui écouteront la petite partie de l'audio qu'on va mettre sur le compte Insta de FACAP, enfin la petite partie d'audio dure une minute, on sent une... Je pense que cette interview, elle devait avoir peut-être 70 ans au moins, ouais, bien tassé. Et on sent une espèce de puissance qui dit ok, je suis vieille, mais j'en ai toujours autant rien à secouer. C'est ça. Si vous continuez à me faire chier, je vous rentrerai quand même dans le lard. Rien à faire, quoi. Mm. C'est un vrai côté empouvoirant, quoi. C'est clair. That was no riot. Everybody says it's a riot. It was a disobedience, and then they started fighting back. It was a rebellion. Ces personnes ont commencé à acheter des pavés sur les flics quand elles avaient 20 ans et qu'à 70 ans, elles sont pareilles. Ok, j'aimerais bien être pareille à 70 ans, en fait. Moi, j'aimerais bien être pareille dès maintenant, en fait. Et genre, là, je me dis un peu, mais waouh, enfin, en fait, nous, on est trop mimi, genre, on organise nos petites prides et genre, déjà, c'est beaucoup de stress et tout, machin, etc. Mmh. Et en fait, je sais pas, genre, ouais, on... Enfin, je sais pas... Si à un moment, enfin, je me dis, mais est-ce que je vais renverser, je sais pas, autre chose, enfin, est-ce que je peux m'inscrire à un moment dans les pas de ces personnes qui ont, est-ce que c'est que j'ai encore trop à perdre, je sais pas, pour, genre, ouais, balancer les pavés vraiment sur les keufs et sur l'hétéro-patriarcat, je sais pas. Alors, ce que je comprends, c'est partir dans un militantisme plus radical, quoi. C'est-à-dire, à un moment, assez de faire la fête et de danser sur des chars, quand est-ce qu'on fait des choses plus radicales? Oui. Mmh. Oui, je partage, je le comprends. Partie 2 du podcast à suivre. Bonne semaine. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps.